de Noël à Homme. Donc nous sommes en direct sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, le 96.2. Dans quelques instants, vous attend toute l'équipe d'animateurs de la radio. Et donc, tu es là et on se retrouve ici en musique. Mais énorme merci à toi, Michel. Et donc, on vous signale, nous sommes présents de 17h à 20h. a lovely body with legs so short and thin. When it is so tired, it drops and then I win. Oh, dreidel, dreidel, dreidel, I made it out of clay. And when it's dry and ready, then dreidel I shall play. My dreidel's always playful. It loves to dance and spin. A happy game of dreidel. Come play now, let's begin. Oh, We're Santa's little helpers, we make the wheels go round. Day and night, night and day, here in Christmas Town. We're Santa's little helpers, and it's us you wanna know. If you want a date under the mistletoe. We're Santa's little helpers, and we make all the toys. The trinkets for the girls, and the trucks for... Marché de Noël. On a de quoi donc se restaurer ici, un bon petit vin chaud qui est offert par la ville d'Orme. Il y a aussi les bons marrons bien chauds. Et donc, si le cœur vous en dit, vous aurez une petite tartiflette. Mais la tartiflette ici, elle a un nom bien, bien spécial. Donc, venez vous restaurer, venez ici vous faire plaisir. C'est la morbiflette. Alors donc, rendez-vous ici donc sur le Mail où il y a le marché de Noël. Le Père Noël va arriver tout à l'heure avec la Mère de Noël. Et donc, dans un instant, on vous attend très nombreux avec tous nos animateurs qui vont venir, je l'espère, avec leur bonnet comme prévu, comme on vous a demandé ce matin. On continue ici en programmation musicale, une programmation spéciale Noël. chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir. And folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe can help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. Will they know that Santa's on his way? He's loading lots of toys and goodies on his sleigh. And you know that every mother's child is gonna smile to see if reindeer really know how to fly. And so simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas, Merry Christmas to you. So I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas. By New Year's night, friends salutation. Ça y est, donc on a retrouvé ici et bien donc un chroniqueur qui est venu nous faire un petit coucou. Ça fait plaisir de te voir. Bonjour Eric. Bonjour Sébastien, comment vas-tu? Ça va, très bien. Un petit peu frileux, mais bon, c'est pas grave, il y a du vin chaud ici. Ouais, mais ça va, il va faire. C'est vrai qu'il pleut, mais bon, on va essayer de se réchauffer avec le vin chaud qui est excellent. Donc surtout, il ne faut pas hésiter à venir pour aller chercher du vin chaud qui est totalement gratuit. Et oui, totalement gratuit, c'est ça qu'il faut dire ici. Non, non. Ça fait plaisir donc de se retrouver ici et puis de trouver alors un chroniqueur que bah, d'habitude, on n'a pas l'habitude de te voir. Et là, ça nous fait plaisir. Bah, moi, je t'ai vu la semaine passée. J'étais heureux d'être avec toi à l'Espace Arc-en-Ciel. On a fait ensemble donc le téléthon de la radio. Et puis là, on se retrouve ensemble donc maintenant pour un petit événement. C'est le marché de Noël à Orme. Donc je suis content de te voir. Ça fait plaisir de voir un chroniqueur nouveau. Hein. Bah, merci Sébastien. Bah, ça me fait plaisir aussi d'être au marché de Noël de Orme qui est vraiment malgré le temps. Mais bon, il faut venir quand même parce qu'il fait bon, il fait chaud. On va se réchauffer tous ensemble. Voilà, exactement. On va se réchauffer. Alors ici, en direct en musique, c'est vrai qu'il est 17h35. Une programmation différente. Hein. Habituellement, on a de l'accordéon jusqu'à 18h sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Et là, aujourd'hui, eh bien, donc, on a décidé donc, de changer cette programmation pour être en direct du marché de Noël. Une programmation spéciale Noël, de la belle musique ici pour vous faire vivre allez, une bonne semaine avant. On est le 15, hein, donc dans 10 jours, on y est. Hein. Ça arrive vite. Ça arrive très, très vite, les fêtes de Noël. Et puis, en fait, ça fait plaisir d'arriver justement à ce projet de Noël. Et justement, les marchés de Noël, en fait, sont là pour faire vivre ça juste un petit peu à l'avance. Voilà. Et donc là, aujourd'hui, c'est Orme. Hein. Il y a plein de marchés un petit peu partout. Il y a eu un Gré, il y a Orléans en ce moment avec la Grande Roue, Paris, Strasbourg, on leur fait un énorme coucou, notre cœur est sur Strasbourg aussi. On a même des gilets jaunes ici, tiens. C'est ah bizarre. Oui, on a les gilets jaunes. Qui se baladent aussi, c'est la ville d'Orme qui sont là. Mais non, nous, on est heureux d'être ici. Ça nous fait plaisir de sortir des locaux. Donc, venez toutes et tous nous voir au marché de Noël, auditeurs, auditrices, simples visiteurs. Voilà, ça nous fait plaisir d'être à votre rencontre, même mouillé. On fera une petite photo, on fera un petit discours à la radio. On est là pour vous tout au long de cette soirée jusqu'à au moins 20h, hors laquelle on retrouvera donc notre ami Karim en direct des studios. Tout à fait. Voilà. Et bien on continue en musique. Donc venez nous voir ici, toujours à Orme, sur le mail, pour la place du marché à Orme. street calls you here. Silver bell, silver bell, silver bell, silver bell. It's Christmas time in the city. Of street lights, even stoplights, blink a bright red and green as the shoppers rush home with their treasures. Hear the snow crunch, see the kids blush. This is Santa's big scene, and above all this bustle. Yeah. kiss and love me rain once more. Oh my Lord, Winnie and the Crip, they found you. Oh my Lord, a golden halo crowned you. Oh my Lord, they gathered all around you to see. Juste pour le le froid ici. On se donne du mal pour vos auditeurs et auditrices. Venez nous voir ici à Homme. Et n'oubliez pas, comme on l'a dit, de nous ramener un petit café, un petit verre de vin chaud ici. Il y a du vin chaud, mais nous, on préfère le café et le thé. De quoi se réchauffer ici. On est là donc pour votre plus grand plaisir en musique de Noël. Il y a de quoi faire un petit tour au niveau des produits artisanaux, de quoi repartir avec quelques jolis lots pour mettre au pied du sapin de Noël. Je fais un coucou à mon Florent, je sais que tu es derrière, Florent Amigo. Tu nous écoutes toujours, tu me fais des petits coucous, donc eh bien, je te fais un gros coucou de mon côté à moi ici en direct du marché d'Orme. On vous attend donc ici aussi pour venir laisser votre petit message de Noël. Pourquoi pas, faites-vous plaisir. Venez laisser un petit message de Noël au Père Noël et la Mère Noël qui sont là. Et puis dans quelques instants, je crois que la calèche du Père Noël va se balader. Et donc de l'autre côté, nous a ben, voilà, la morbiflette, comme annonce l'animateur ici présent qu'on entend derrière moi au loin. Et donc une morbiflette, c'est une belle tartiflette revisitée à la façon d'Orme. Et donc venez ici donc acheter cette part de morbiflette. Et donc je suis en train de regarder, c'est 2 euros la part, on peut le dire. Et alors l'avantage, c'est que cette morbiflette sera au profit d'une association à Ingré, une association qu'on a déjà eu le plaisir de recevoir à la radio et qu'on recevra très prochainement pour reparler. C'est l'association L'Espoir et des Rêves plein la tête pour Raphaël, le petit Raphaël, voilà. Et donc à cette occasion là je crois qu'ils organisent une manifestation, hop là, le temps de prendre la petite feuille, ils organisent une paella au profit de l'association. C'est le 23 mars 2019 à 19h30, donc à la salle des fêtes d'Ingré. Voilà donc pour tous ces renseignements là. Et bien écoutez, on continue en musique ici toujours. Belle musique de Noël, ça change de notre programmation. Promis, on se retrouve dans quelques instants pour continuer à parler ensemble de cette manifestation où on a le plaisir de vous attendre toutes et tous nombreux. Et alors tiens, je le prends sur moi, promis, le premier auditeur qui vient nous voir. Il faut venir nous voir parce que ici, le seul moyen de me joindre, c'est mon portable. Hein. On a coupé le standard téléphonique. Le premier auditeur qui vient nous voir ici, Radio Arc-en-Ciel, sur le stand, on est visible, sur le marché de Noël. Promis, on vous offre quelque chose de bien sympa qui vous fera plaisir pour ce mois de février. On vous en dira plus en quelques instants. Allez, venez nous voir donc ici sur le marché de Noël à Orme. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Oh, there's no place like home for the holidays. 'Cause no matter how far away you roam, if you long for the sunshine and the friendly games, for the holidays you can't be home, sweet home. I met a man who lived in Tennessee. He was looking for Pennsylvania and some homemade pumpkin pie. Now the Pennsylvania folks are driving down to Dixie's sunny shore, near the Atlantic to Pacific. Oh, the season is terrific. No, there's no place like home for the holidays. Like home for the holidays. 'Cause no

musicale un petit peu différente. Quoique Michel passe souvent l'étoile des neiges à cette heure-ci, il est 18h, heure à laquelle habituellement, auditeurs, auditrices, vous avez toute l'équipe des sports de Radio Arc-en-Ciel, porte ouverte au sport, donc avec nos amis Arjemiro, José et Bruno. Bruno d'ailleurs qui doit venir nous rendre une petite visite, je crois, hein, ici sur le marché de Noël. Et donc, bien avec nous, on a un nouvel animateur de Radio Arc-en-Ciel qui vient d'arriver sur une émission le vendredi. C'est Manu qui est arrivé. Manu est en train de se réchauffer avec un petit vin chaud ici. On va le retrouver dans une petite poignée de secondes pour parler ensemble donc de Radio Arc-en-Ciel. Donc en musique, toujours ici, oui, les visiteurs passent, viennent nous dire un petit coucou, un petit bonjour. Bonjour, bienvenue. Donc n'hésitez pas donc à venir ici, laissez vos petits messages sur le 96.2 pour Radio Arc-en-Ciel. Frank Sinatra. Merry Christmas, everybody, and to add to the holiday spirit, here's an all-time Christmas favorite. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Yak, yak, bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride

Nathalie. On a retrouvé donc notre Manu, un nouvel animateur avec nous, la Radio Arc-en-Ciel. Un animateur qui est présent maintenant sur une ancienne émission qu'il a reprise de plusieurs animateurs. L'émission du vendredi Descoberte. Ça veut dire découverte, je crois, Manu. Voilà, un animateur, voilà, c'est mieux. Hein. Bon, d'abord, bonjour à tous. Ouais. Voilà, nous sommes au marché de Noël de Horme. Hein. Oui. Le temps est un petit peu, comme on le voit, un petit peu avec la pluie, mais ça va, ça, on arrive quand même à tenir. Donc, on compte sur vous pour venir nous rejoindre, hein, parce qu'il commence déjà à y avoir pas mal de gens quand même là. Mais oui, ça se balade, il y a voilà, pas mal de pluie, personnes. La pluie, elle s'est un petit peu calmée. Donc on compte sur vous, hein. venez nous rejoindre. Hein. De toute façon, on est là jusqu'à 20h en direct. Jusqu'à 20h en direct. Voilà. Donc vous avez le temps, venez tranquillement. Il y a tout ce qu'il faut ici apparemment. Je vois qu'il y a du vin chaud, il y a du café sur le côté, puis il y a un peu de tout. En face, il y a même du fromage. Et oui. Donc voilà, on manque de rien en fin de compte. Hein. Il suffit que vous veniez nous rejoindre, c'est tout. Voilà. Je vous dis à tout de suite. À tout de suite. Alors Manu, juste un petit mot sur ton émission. Oui. Descoberte. Descoberte, oui. C'est le vendredi de 17h à 19h. Oui. Donc ça fait 4-5 semaines déjà que j'ai commencé. Bon, c'est pas encore tout à fait ça. Hein. On me reproche que je ne parle pas beaucoup. C'est vrai, je ne parle pas beaucoup. Tu parles. Mais petit à petit, ça va venir. Et une portugaise? Alors le portugais, alors. À chaque alors, fois. Déjà, si, le français, c'est un peu difficile à m'exprimer en direct. Alors le portugais, ça sera pour plus tard. Bah, quelques mots en portugais quand même là. Oui, je peux parler en portugais, mais donc je sais pas. C'était une joyeuse fête aux portugais. Hein, une joyeuse fête à tous nos amis portugais. Em português é boas festas a todos os portugueses daqui de Orleans e de toda a França. Sim. Os melhores para vocês e as suas famílias. Voilà, c'est dit. Obrigado. Eh bien, merci. On continue donc en musique. Venez nous voir dans un instant ici. On va avoir une découverte bien fabuleuse à voir. Des amis qui sont venus sur le stand. C'est les Burn Light. Une belle animation, des déambulations féeriques, des lancers de flammes sur le marché de Noël dans un instant. Donc, venez nous voir ici, toutes et tous, très très nombreux. Et donc, nos animateurs qui sont en train d'arriver. I don't care about the present. show en direct en musique de radio ici Noël. Et donc on entend un petit peu ce bruit derrière, puisque devant nous un spectacle donc de cracheurs de feu, de flammes a lieu. De quoi se réchauffer. Ici ça donne vraiment l'engouement des fêtes de Noël avec donc cette troupe qui vient nous voir, les Burn and Light, ici donc sur l'esplanade du marché de Noël à Orbe. Donc venez nous voir, on a Christine qui vient d'arriver, on a Manu, voilà, nos animateurs sont juste là en train de s'éblouir de ce magnifique spectacle. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and we'll go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that'll make them ring is the carol that you sing right within your heart. To look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Sure, it's Christmas once more. Eh bien oui, voilà, ça y est, on est en direct ici de Radio Arc-en-Ciel. On a trouvé Christine qui est là. Ça y est, Christine est arrivée avec nous pour nous réchauffer. Alors, pas en Mère Noël, hein. Je t'avais demandé. Non, pas de Mère Noël. Bonjour à tous. Mais j'ai emmené le Père Noël. Ouais. C'est moi qui l'a conduit, le Père Noël, jusqu'ici. Effectivement, nous sommes en direct du marché de Noël à Orme. Oui, effectivement, il pleut, mais on n'est pas en sucre, on ne fond pas. Donc, on peut se déplacer jusqu'au stand du Père Noël qui vient d'arriver. Il a plein de petits cadeaux dans sa hotte. Nous avons aussi les marrons chauds pour nous réchauffer, le vin chaud avec modération, n'est-ce pas? Oui. Et donc les studios de Radio Arc-en-Ciel qui sont là, on est à l'abri, donc vous pouvez même venir vous abriter. J'ai emmené de l'eau chaude pour faire du thé, du café, donc on va passer un moment bien agréable, donc n'hésitez pas à passer nous voir. Ouais, exactement, et donc, donc on le rappelle, l'association Plado ici, c'est une association qui vend ses parts de tartiflette aujourd'hui au profit d'une belle association qui est l'association de l'espoir et des rêves plein la tête pour Raphaël, un jeune petit qui est atteint d'une maladie orpheline très rare, et donc on le recevra à l'antenne, hein, à la radio, on le fera revenir pour parler de cette maladie-là avec les parents. Tout à fait. Et donc, c'est pas vraiment une tartiflette, mais une morbiflette. Ah oui. Qu'est-ce que la morbiflette, finalement? Et tu sais que j'ai cherché tout à l'heure, j'arrivais pas à trouver. C'est Orme. C'est à Orme. Non, c'est avec du morbier. Eh, tout le monde, tu savais pas. Ah, j'adore. Ah, bah alors voilà. Voilà, non plus, je savais pas. Et finalement, c'est pas de la tartiflette, mais de la morbiflette, parce que c'est avec du morbier. Et oui, voilà. Et moi je pense, alors honnêtement je n'y ai pas goûté, mais alors on peut dire, hein, ta maman est mordue de morbiflette. Tout à fait. Hein, tous les ans elle vient, elle doit venir tout à l'heure, elle m'a dit chercher sa morbiflette. Ils sont déjà arrivés là, voilà, d'ailleurs. Pour dire qu'elle est bonne alors. Hein. Tout à fait. Et ça sent bon d'ailleurs. Et oui. Le mélange de la cannelle, de justement de la morbiflette et tout ce qui va avec, les mains en chaud. Donc ça donne envie vraiment de passer un moment ici. Donc venez le voir. Voilà. Et puis on continue en musique et puis tiens, on vient de nous mouiller derrière. Je crois que c'est encore une animatrice qui est passée dans le coin. Allez, en musique de Noël et on se retrouve juste après. Because of Christmas Day, there is boy child Jesus. the glow, all the bells ring out their with tears of joy and laughter. People shouting, let everyone know there is hope for all to find peace. sommes en direct de notre studio Radio Arc-en-Ciel au j'ai perdu ma voix. Donc oui, je disais que nous sommes en direct du marché de Noël à Orme. Et oui, il fait froid, oui, il pleut. Mais comme je disais tout à l'heure, on n'est pas en sucre, mais on est là, présent. D'une part pour appuyer notre ville d'Orme, mais aussi Radio Arc-en-Ciel, car nous sommes la radio associative, la radio qui est toujours dans tous les points les plus importants du Loiret. Nous sommes là, toujours présents. Et effectivement, nous sommes là pour recueillir vos petits mots, une lettre au Père Noël ou un petit mot à vos familles. Nous sommes toujours là pour vous recevoir. Donc n'hésitez pas de passer nous voir au stand Radio Arc-en-Ciel. Bonjour mademoiselle. Bonjour. As-tu fait ta lettre au Père Noël ? Oui. T'as demandé quoi au Père Noël ? Mais sois sage, hein, dis quelque chose de cohérent, hein. J'ai demandé des vêtements, j'ai demandé des peluches, j'ai demandé plein de belles choses. Et est-ce que tu as été sage quand même pour avoir demandé tout ça ? Bah, j'ai essayé, oui. Tu as vu le Père Noël ce soir ? Oui, je l'ai vu. Et t'as vu qu'il était accompagné de Mère Noël ? Oui. Ils sont beaux, hein ? Ils sont très beaux. Super. Donc, on va dire que tu vas être sage et tout ça. Tu attends donc tes cadeaux de Noël pour... c'est le 24 chez toi ou c'est le 25 qu'il passe, le Père Noël ? C'est le 24, mais le 25 à minuit. Très bien, donc tu attendras ce moment avec grande impatience pour recevoir tous tes cadeaux. Donc ta lettre, tu l'as postée ? Oui. Donc tu attends tes cadeaux. Très bien, merci beaucoup. Tu fais un gros bisou à toute ta famille ? Oui, gros bisou à ma famille. Merci. Et on continue. Donc vous pouvez passer nous voir et enregistrer pourquoi pas votre message de Noël pour passer... sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, sur les autres programmes. Et j'ai une invitée, quelqu'un qui vient nous voir et qui a un petit mot à nous dire. Donc on va trouver juste un micro qui fonctionne. Bonsoir, bonsoir. J'aime pas trop ces bébêtes. Vous aimez pas ces bébêtes, mais ça mange personne, je vous garantis. Ça marche ? Ça marche. Il faut juste l'approcher au plus proche de votre bouche et ça marche très très bien. D'accord. Bonsoir. Bonsoir, donc moi je venais vous voir parce que j'expose sur le marché de Noël. Tout à fait, et qu'est-ce qu'on te retrouve chez vous ? Voilà, alors donc c'est la Luciole et je suis artisan confiturière. Donc vous trouvez toutes sortes de confitures, notamment en spécialité la confiture de pommes de terre, la douceur d'Agatha du Loir-et-Cher, oui, donc c'est ce qui a fait la renommée de la Luciole. Tout à fait. Mais aussi à peu près entre 50 et 70 saveurs différentes. Eh ben oui, alors voilà. N'oubliez pas de passer donc au marché de Noël à Orme. Donc nous sommes bien installés. Oui, il pleut, on a des parapluies, on a des bonnets, on est bien habillés. Ça fait du bien de sortir et de prendre l'air, n'est-ce pas ? Tout à fait. Donc passez nous voir, il y a un joli stand qui s'appelle ? Donc la Luciole, mais vous y trouverez aussi des thés d'exception, hein, puisque ce sont des thés bio et infusions bio. Je suis aussi sélectionneuse de thé, tout un programme. Et ainsi que les préparations kit SOS culinaires, des épices et tout ce qui va avec. Notamment voilà. Le thé de Noël ? Le thé de Noël, les infusions de Noël, le rooibos de Noël. Donc, voilà. Y a le choix. C'est pas ce qui manque. J'adore. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Les bonnes saveurs, les bonnes odeurs et les bonnes confitures. Tout à fait. De la Luciole. Donc, la Luciole qui se trouve à Hautainville. Et donc, si on ne vous trouve pas sur le marché de Noël, donc on vous retrouve aussi dans d'autres marchés durant l'année ? Tout à fait, je suis en itinérant, hein, oui, je dépose dans certains magasins, non pas encore dans le Loiret, beaucoup dans le Loiret-Cher, mais il n'y a pas de souci, en tapant la Luciole sur Internet, la Luciole Confiture, vous trouvez mon site et ma page, sans problème. Ben, merci beaucoup, merci bonne vente et bonne fête de fin d'année. Merci, vous de même. Merci. Joyeux Noël à mes amis, toi qui t'en vas et retourne au village, dis-leur l'ennui que je porte dans le cœur, comme je voudrais être encore l'enfant sage pour me reblottir dans la maison du bonheur. Joyeux Noël à mon père, joyeux Noël à ma mère. specials and fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. A jingle around the clock. Chiming, jingle bell time. Snowing and blowing our bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. never fool me again. La musique est un petit peu différente à cette heure-ci, je vous l'accorde, messieurs, dames. Place ouverte au sport aujourd'hui, eh bien, est absente, eh bien, viens. Voilà, ça tombe bien. Bonjour, ça va? Si vous voulez dire un petit mot, tu veux dire un petit mot à la radio? Viens. Tiens, alors attends, bouge pas, on va t'allumer un petit micro. Tiens, viens à côté de moi, voilà, ça va être plus calme ici. Alors, il n'y a que moi qui m'entends, ne t'inquiète pas. Tiens, je te donne un petit micro. Bonjour, tu t'appelles comment? Maëva. Maëva, tu veux donner un petit mot au Père Noël à la radio Arc-en-Ciel? Alors vas-y, oui. Je t'écoute. Vas-y, parle dans ton micro et t'écoute le Père Noël. Bonjour Père Noël. Oui. Tu seras sage. Tu seras sage. Alors, juste entre toi et moi, Maëva, t'as commandé quoi Père Noël? Piano. Un grand piano? T'as une grande chambre alors? Pour faire beaucoup de bruit? Pour embêter ta petite sœur? Oui. Ah oui. Non, mon petit frère qui est là. Ah, c'est un petit frère, d'accord. Mais j'avais pas vu, alors je savais pas. Il s'appelle comment le petit frère? Hugo. D'accord. Et Hugo, il a commandé quoi Père Noël? Je sais pas. Tu sais pas? Et tu penses qu'il a été sage pour avoir son cadeau de Noël? Oui. Oui? Et papa et maman aussi, ils ont été sages? Oui. Et ils ont commandé quoi, papa et maman? Ils ont commandé rien. Ils ont commandé rien. Et alors pour Noël, tu as préparé le menu? Tu vas faire quoi à la maison? J'ai déjà fait mon sapin. Ton sapin? T'as mis des boules, des guirlandes? Oui. Une petite crèche? Non. Non, il n'y a pas de petite crèche, d'accord. Et en haut du sapin, t'as mis quoi tout en haut? Une étoile. Une étoile. Que t'as fait toi ou... C'est une étoile que t'as fait à la main à l'école? Non. Non. C'était dans le carton de l'année dernière. On l'a ressorti pour cette année. D'accord. Et alors tu fais Noël où? Chez toi? Chez papa, maman? Chez papy, mamie? Chez papa et maman. Et on mange quoi chez papa et maman? De la bûche. De la bûche? Ah bon? Il n'y a pas autre chose que de la bûche? Si. On fait quoi? Une dinde? Des nuggets? Du poulet? Du poulet? Du poulet? Ah, on mangera du poulet à Noël, d'accord. Et le lendemain, tu ouvres tes cadeaux quand? Oui. Le lendemain matin, quand le Père Noël est passé? Oui. Et est-ce que tu laisses un macaron, un chocolat au Père Noël? Non. Tu lui donnes rien? Même pas non. Un petit gâteau? Pas un verre de chocolat? C'est papa qui boit tout, il mange tout, il laisse rien au Père Noël alors? Non. Non. Ben, on te souhaite un joyeux Noël en tout cas. Merci. Et ben, tu fais un gros bisou au Père Noël? Merci. Joyeux Noël. Au revoir. Eh bien voilà. Merci beaucoup. Vous voyez, faites comme nos auditeurs qui viennent nous voir ici au marché de Noël. Merci. Hein. À bientôt surtout. Oui, Christine. T'as vu, est-ce que t'as été aussi sage que cette petite fille? Aussi sage, je sais pas. Normalement, oui. T'as oui, vu un oui. petit peu, elle est sage. Ouais. Et puis on mangera. Donc je pense qu'on va passer chez elle parce que c'est drôle, mon bon. Pour les bûches, moi ça me va. En tout cas, n'oubliez pas de passer nous voir. Nous sommes toujours en direct du marché de Noël. Et le Père Noël, la Mère Noël sont là. Ainsi que les marrons chauds, le vin chaud, plein de bonnes choses. Tous nos stands sont là. Vous avez de quoi régaler vos petites papilles, mais aussi prévoir les cadeaux de Noël. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a même la SPA qui est là pour présenter ses animaux. Et oui, donc on va en parler dans un instant. Je crois qu'ils vont arriver. Ah, ils sont là-bas, voilà. Non, ils sont pas là. Ils vont arriver dans un instant. J'avais pas vu sur le stand. Eh bien, on les attend dans un instant sur le stand de Radio Arc-en-Ciel, ici, en direct du marché d'Orme. John Paul's on the mix. Come to you, all I want for Christmas. Jérusalem, près d'un mur que l'on croyait perdu. Un homme à genoux, et là, il pleure à côté de moi, élève les yeux en remerciant le ciel. Noël à Jérusalem, les pieds nus aux portes des mosquées, ils sont des milliers qui viennent pour y déposer leur peine, le visage à terre jusqu'à la nuit tombée. Ces mains qui prient en même temps ici n'ont-elles pas la même ferveur? Les hommes auraient-ils oublié aussi que c'est Dieu qui fait battre leur cœur? Noël à Jérusalem, c'est aussi l'enfant de Bethléem et le pèlerin guidé par l'étoile du berger cherche la maison de sa nativité. Noël à Jérusalem, c'est le monde au pied de l'éternel qui vient implorer son nom et lui demander pardon de s'être égaré loin des chemins du ciel. Pourtant, il suffirait Jérusalem, près d'un mur que l'on a retrouvé, un homme à genoux m'a dit tout est changé dans ma vie, car Jérusalem est de nouveau sur terre. La première vie bénie à qui le Seigneur a dit, je ferai ici mon plus merveilleux Noël à Jérusalem. Yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. In olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together. If the fates allow, hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together. If the fates allow, so hang a shining star above the highest bough, and have yourself a merry little Christmas. Christmas, it's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, the mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly Christmas this year. Avec une belle musique sur Radio Arc-en-Ciel en ce moment, on est ensemble pour vous faire plaisir, messieurs, dames. Venez nous voir ici sur le marché de Noël. On a un petit jeune qui vient de nous voir. Viens me voir, Cyprien. Viens. Je te donne un micro, viens prêt. Bonjour, ça va, Cyprien? Oui, et toi? Très bien. Alors, Cyprien, on est en direct sur la radio. Alors, le Père Noël, forcément, tu dois connaître hein, à ton âge. T'as été sage cette année? Oui. Ouais. Et qu'est-ce que t'as prévu cette année alors pour Noël? J'ai demandé une paire de chaussures intérieures. Encore? Encore une paire de chaussures? Ouais, mais c'est pas pareil. Là, c'est pour le foot. C'est pour le foot. D'accord. Quelle équipe de foot tu supportes? Barça. Le Barça. Et alors, Messi? Non, forcément. Bah oui. Hein. Mais il est français, Messi, c'est l'équipe de France. Il est argentin, lui. Il est argentin. Moi, le foot, hein. Voilà, on fait deux. Hein. Et alors, justement, c'est quoi les pronostics en ce moment? On gagne. Hein. On gagne? Ah bon, bah alors. Et alors, pour Noël, qu'est-ce que tu as de prévu? Je sais pas, je dois aller chez ma grand-mère. Ma grand-mère. Et alors, comme repas, on peut le savoir? Oula, je sais pas. Hein. Tout à l'heure, on a eu de la bûche, peut-être qu'il y aurait une dinde ou du poulet. On nous a dit du poulet tout ouais, à l'heure, du non poulet, du poulet, du poulet aussi pense. Pour toi. D'accord. Et alors, au pied de sapin de Noël, les parents, ils écoutent pas. Là. Je sais pas où ils sont partis, je les ai vus tout à l'heure se promener. Ils ont prévu quoi comme cadeau, toi, pour eux? T'as prévu quoi? Je sais pas, faut jouer avec ma sœur. Faut jouer avec ta sœur, ce que le Père Noël emmène. Ouais. Bon. Écoute, on te souhaite un joyeux Noël, Cyprien. Merci. De bonnes fêtes et puis à bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and we'll go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that'll make them ring is the carol that you sing right within your heart. Beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Sure, it's Christmas once a Studio de Radio Arc-en-Ciel est présent ici donc sur le marché d'Angers jusqu'à 20h comme on avait dit. Quelques musiques tranquilles, toutes douces pour passer Noël jusqu'à 20h, heure à laquelle on retrouvera donc notre ami Karim en direct des studios de Radio Arc-en-Ciel. Karim avec l'émission Orient Show. Et donc on vous le rappelle, donc ici il y a encore du vin chaud, on offre du vin chaud à toutes les personnes qui viennent nous voir sur le stand de Radio Arc-en-Ciel et sur le marché de Noël d'Orme. Des marrons chauds aussi vous sont offerts, et oui. Et donc, eh bien, donc la Morbiflette, c'est l'association Plado pour espoirs et des rêves plein la tête pour Raphaël. L'association Si Orme m'était compté offre donc le vin chaud et des marrons grillés à tous les visiteurs. Il y a aussi le service enfance et jeunesse qui distribue des chocolats aux enfants des écoles. Voilà donc toutes les animations qui sont prévues ici sur place. Et puis le groupe Burn and Light, depuis tout à l'heure, fait des déambulations féeriques avec ses jolies flammes et ses jolies couleurs de Noël pour le marché. Sans oublier bien sûr la promenade en calèche par le père et la mère Noël avec les petites photos. Et oui, j'ai vu le père Noël et la mère Noël, on a été leur faire un petit coucou, faire une petite photo sur le stand. Et donc nous on est installé ici sur le stand de AS Musique 45. Radio Arc-en-Ciel est présente avec cette belle musique aujourd'hui pour vous faire vivre en avant-première les fêtes de Noël sur Orme. Now he sees you when you're sleeping, and he knows when you're awake, and he knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. You better watch out,

Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe can help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. Will they know that Santa's on his way? He's loading lots of toys and goodies on his sleigh. And you know that every mother's child is going to smile to see his reindeer really know how to fly. Alors toujours en direct du marché d'Orme, ici on a retrouvé une des organisatrices de ce marché. Bonjour Annick. Bonjour. Bienvenue avec nous donc sur le marché d'Orme. Enfin bienvenue. Merci de nous accueillir surtout. Alors le marché d'Orme, pour toi c'est une institution Orme maintenant. Ça fait combien d'années qu'il existe ici ce marché de Noël ? 6 ans. 6 ans. Oui. D'accord. Ça fait la 6e année que nous organisons ce marché de Noël nocturne. Oui. Et puis bon, c'est la première année que ça se passe avec un temps aussi déplorable. Aussi déplorable. Ça fait plusieurs années on est venu, nous, ça fait 4 ans qu'on vient vous voir régulièrement. Et donc on a toujours eu un petit froid, hein, habituellement ici, un petit froid glacial. C'est oui. Noël, mais la pluie cette année, elle est persistante. Mais il n'y en a plus là, il n'y en a plus de pluie maintenant, mais c'est toujours l'humidité. Hein. Voilà, tout à fait. Voilà. Et ce qui est ennuyeux, c'est que c'est une pluie verglaçante. Oui. Et c'est à la limite dangereux, mais oui. Malgré tout, les gens se sont un petit peu déplacés quand même. Déplacés, voilà. Venir goûter donc cette morbiflette. Alors qu'est-ce qu'il y a dans la morbiflette ? On nous a demandé la recette. Elle est secrète ? C'est la morbiflette d'Orme ? Non, elle n'est pas secrète. C'est le même principe que la tartiflette, sauf oui. qu'on y met du morbier à la place. D'accord. Et donc pour la fabrication de cette morbiflette, il y faut donc pour autant de parts, pour 500 parts, oui. il faut 100 kg de pommes de terre, d'accord. 22 kg de lardons. Il faut 45 kilos d'oignons et puis beaucoup d'amour. Et des bras de bénévoles. Voilà, pour et éplucher. Des bras de bénévoles oui. pour préparer tout ça. Alors justement, les bénévoles, c'est une association spécifique qui a préparé cette morbiflette. Oui. Alors, étant donné que je travaillais à la mairie avant, oui. on m'a confié donc la mission de continuer à faire vivre ce marché de Noël. C'est bien, oui. Voilà, donc je le fais avec... tout ton cœur et ton voilà. amour, voilà. Exactement. Oui. Et puis, sinon, c'est l'association, donc Plado. Plado, d'accord. Avant, c'était la Société d'Horticulture, d'accord. dont je suis la secrétaire. D'accord. Et Plado, c'est plaisir, loisir, activité, découverte. Orme. Donc PLADO. Voilà. voilà. C'est une association Plado. D'Orme. Tout à fait. D'accord. Oui, c'est une alors... association d'Orme qui existe depuis 20 ans. 20 ans. Enfin, le nom a oui. changé récemment cette année. D'accord. Mais sinon, l'association par elle-même est là depuis un petit moment. Un petit moment, d'accord. Et alors donc, cette association-là donc, a préparé cette tartiflette. Il y a d'autres associations qui sont venues aussi vous donner a... main forte Tout à fait. Sur... Il y a l'association Siorme Mété-Comté. Oui. Qui, eux, font les marrons grillés et le vin chaud. Le fameux vin chaud. Voilà, on en sent l'odeur jusqu'ici. Oui. Voilà, heureusement qu'on l'avait aujourd'hui. Oui. Et donc, ben, eux, c'est pareil. Cette association existe depuis très, très longtemps. Très, très longtemps. D'accord. Voilà. Donc, et ils, font, ils organisent la fête de la ville tous les 2 ans. Oui. Et c'est une association aussi qui fonctionne très, très bien. D'accord. Dont Martine Pellet, donc, qui est la présidente de l'association. D'accord. Et alors, en plus, cette année, une, bon, pas petite nouveauté, mais un petit plus, la morbiflette, elle est au profit d'une autre belle association qui est à Ingré, une ville tout à côté d'Orme, hein, jumelle, oui. on va dire. Oui, oui, absolument. Et donc, c'est l'association pour le petit Raphaël, un enfant qui est atteint d'une maladie un petit peu rare, orpheline. Voilà, c'est ça, oui. Il est atteint de... je ne sais plus, je peux te dire ça, j'ai vu ça. Ah, je vais te dire ça tout de suite. Je quitte mon casque et mon poste. On va vous dire ça, j'ai vu ça à l'instant marqué. Alors, ici. C'est un épileptique sévère. Il est de l'épileptie assez sévère. Voilà, voilà, exactement. Des crises d'épilepsie donc assez sévères qui a touché cet enfant à la naissance. Tout à fait, voilà. Et donc cet enfant ne s'assoit pas, ne peut pas rester debout, ne tient pas sa tête correctement. Et donc c'est pour venir en aide à cette famille, à ces jeunes parents, parce qu'ils sont jeunes tous les deux. Oui. Et pour acheter du matériel, fauteuil ou siège. Et payer les soins qui sont très chers aussi. Oui, puis les soins. Alors il y a des soins qui pourraient se faire en Espagne, je crois. Mais voilà, il faut aller là-bas, il faut... D'accord. Avoir énormément d'argent pour pouvoir survenir à ce petit bonhomme. Voilà. Et alors donc, Annie, tu fais que le marché de Noël. Il y a d'autres choses aussi. Tu t'occupes avec l'association dans l'année. On peut parler de votre association. L'association Plado, oui, on organise un autre marché de Noël, mais en salle. D'accord. Là, celui-ci, j'ai demandé à mon association de m'aider parce que je ne pouvais pas organiser un marché de Noël aussi important toute seule. D'accord. Mais sinon, l'association par elle-même organise un marché de Noël en salle qui se déroule toujours le deuxième ou troisième week-end de novembre. Et donc ça, c'est la salle de basket dont on avait parlé ensemble à la radio il y a 15 jours, 3 semaines, forcément. Tout à fait. D'accord. Ah oui. Eh bien, écoute, un énorme merci à toi de nous accueillir comme tous les ans ici, donc sur ce marché de Noël. Non, mais c'est vrai que vous êtes voilà. trop gentil. C'est vrai que c'est un. Ça fait plaisir, voilà, on aime bien sortir. Ouais. Oui, et on a une. Ce sont des acteurs qui sont venus donc, pour un petit peu animer ce marché de Noël. Mais bon, les pauvres, ils sont venus de Strasbourg. Strasbourg pour nous, oui. Oui, pour nous. Il y en a un coup de cœur aussi à Strasbourg en ce moment. Je les en remercie énormément. On va parler avec eux juste à l'instant, ensemble au micro, justement. Et nous, on avait nos mascottes à la radio, mais 200 là, on les a laissées un petit peu au chaud. Elles sont restées dans la voiture, on les a pas sorties, voilà. C'est dommage que le Père Noël ne m'ait pas écouté parce que je lui avais demandé du beau temps. Oui. Au moins du froid, mais pas de pluie. J'ai vu passer, je vais lui dire tout de suite, il n'a pas été gentil alors avec nous. Voilà, mais merci en tout cas à votre radio Arc-en-Ciel de nous suivre. C'est normal. C'est trop gentil. Merci, à bientôt. Merci. Merci Annie, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir à tous et bon Noël. Merci. On va parler avec le monsieur qui vient nous voir. Bah oui, c'est que Burn and Light, c'est ça, hein. On va parler un petit mot justement sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel tout de suite, juste avant qu'on redonne l'antenne donc à notre correspondant, parce qu'en fait on est en direct et dans quelques instants on va retrouver Karim qui est en direct des studios de Radio Arc-en-Ciel. Alors Burn and Light, c'est une association ? Alors c'est une association en fait, oui, c'est une troupe qui a été créée il y a quelques années. D'accord. On est en fait, en début on s'est tous mis en auto. D'accord. Entreprise. Oui. Et on a décidé de se rejoindre étant donné qu'on faisait la même chose et qu'on avait à peu près les mêmes aspirations dans cet art. D'accord. C'est un art à la base qui est, c'est un art de rue. Oui. C'est en partie venu aussi du cirque. D'accord. Et des Maoris. On a voulu prendre cet art de rue et le mettre un peu plus de façon scénique. D'accord. Donc pour ça on a vraiment pris pas mal d'outils techniques. On fait des spectacles qu'on chorégraphie avec une histoire, etc. dessus. D'accord. Donc c'était prendre un art de rue et lui donner un peu plus de choses autour. D'accord. Et alors donc l'art de rue qu'on a vu aujourd'hui ici, c'est essentiellement cracheur de feu, des flammes, de la LED. C'est ça, voilà. Ouais. D'accord. C'est d'où notre nom, hein, Burn and Light, c'est qu'on on a voulu avec nos agrès. D'accord. Partir sur le fait de pouvoir faire soit en feu, soit en lumineux. Ouais. D'accord. Donc c'est surtout important. Ça donne des effets différents. Mmh. Et ça permet aussi aux personnes qui font des événements en fait de pouvoir nous adapter. D'accord. Parce qu'il n'y a pas le feu qui est disponible toujours partout en intérieur. D'accord. Alors là justement ce qu'on a vu, les barres, ça s'appelle comment, une barre à LED je pense, non? Pardon? La barre que vous avez fait tourner, ça part des barres à LED, comment ça s'appelle? Barre à LED, oui, en fait, oui. Et puis ça s'appelle aussi des Ignis, donc Ignis. Voilà, c'est en fait c'est une barre effectivement avec une rangée de LED qui va être préprogrammée par ordinateur, ouais, pour pouvoir fournir en fait des images qu'on va. On peut vous donner un logo, on peut vous demander n'importe exactement, quoi. Exactement, oui. Quand on fait des dîners d'entreprise ou des anniversaires d'entreprise, on a le logo de l'entreprise qui va être mis dessus, etc. Quoi. D'accord. Et alors donc votre association, je suis fatigué à cette heure-ci depuis ce matin à la radio. Votre association est basée sur Strasbourg ? On est sur Strasbourg, effectivement. Donc un énorme merci à vous de venir spécialement nous voir ici au marché de Noël. Mais avec grand et plaisir. Et puis on est tout cœur avec Strasbourg aussi, forcément avec ce qui s'est passé en ce moment, ouais, sur le marché de Noël. On tient à vous remercier beaucoup. C'est grand plaisir. Il y a un petit site pour l'association pour vous retrouver ? Oui, tout à fait. Vous pouvez taper Burn and Light en fait sur un moteur de recherche Google. Vous allez trouver très vite. C'est burnandlight.wix.com. D'accord. Et voilà, on tourne très vite dessus. Et on a également une page Facebook. D'accord. Eh bien, écoutez, un énorme merci à Burn and Light. Et puis, merci de vous accueillir également ici. Merci, c'est normal. À bientôt. Merci, bonne soirée. Alors monsieur Karim, je ne te peux pas t'entendre, Karim qui est au studio en fait, on va dire tout aux auditeurs et auditrices. Et donc Karim, tu peux me parler, je vais avoir un décalage pour t'entendre, mais je peux te parler si tu m'écoutes. Je te comprends cher Seb, j'espère que tu t'amuses, tu t'éclates avec tous tes invités, avec cette belle ambiance, parce que j'entends vraiment un fond derrière, ça sent que c'est animé, donc bien évidemment Radio Arc-en-Ciel est en direct donc du marché de Noël de Orme. Si je me trompe pas. Et oui, c'est ça. Donc le marché Noël Orme, tiens, rien que pour toi, je te mets un dernier petit chant. Chante, c'est Noël, forcément, c'est un classique de la musique. Je te laisse cette dernière musique et je te laisse l'antenne, mon frère. Ah un bah, excellent merci. Noël à toutes et à tous, à toi aussi. Et à merci, très, très prochainement, mon Karim. Un énorme merci donc d'être venu nous voir. Merci, mon cher Seb. Tu es toujours fidèle au poste. Bon, bah, j'attends donc ton morceau avec impatience. Bisous, mon Karim. Ciao. Bye bye.